Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. 'Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time à tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, mesdames et messieurs, une autre grosse émission qui nous attend comme à notre habitude. Et je vous tiens à saluer M. Andrew Castegan à la console. Salut Andrew. Bonjour M. Michaud. Comment ça va? Ça va, je m'ajuste. Et là, cette semaine, grosse émission comme à notre habitude, on va parler nouvelle ludique. Entre autres, on va vous parler de Dragonborn, le dernier DLC qui est sorti pour Skyrim. Bien évidemment, on va vous parler de quelques nouvelles ludiques. Et on va vous parler également d'un truc vraiment, mais vraiment intéressant, un projet assez fou, le Geek World Tour avec, écoutez, le Globetrotter Geek en question, M. Guillaume Pigeard, avec qui on va parler un peu plus tard. Et là, évidemment, comme d'habitude, on va vous présenter Puissance Maximale. On vous rappelle que Puissance Maximale est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller écouter toutes nos anciennes émissions en version podcast, aller écouter également les entrevues, aller lire nos nouvelles, donc aller sur ce site. Et notre excellente émission de Radioton. Ah oui, effectivement, notre spécial qui était 3 heures, mais qui a été amputé d'une heure à cause d'un problème technique à l'enregistrement. On appelle ça un changement d'heure. Oui, un changement d'heure qui n'avait pas été fait sur l'ordinateur qui enregistrait l'émission. Mais vous pouvez avoir accès à cette émission-là également. On vous rappelle également qu'il y a une page Facebook. Donc, vous tapez Puissance Maximale dans Facebook. Vous allez nous trouver très facilement avec la page avec le super logo rouge et bleu. Et vous allez appuyer sur j'aime parce que nous, on vous aime, mesdames et messieurs. Et profitez-en pour répandre la bonne nouvelle ludique en partageant la page de Puissance Maximale avec vos amis. Et plus de personnes vont aimer, plus qu'il y a de chances qu'on va refaire des t-shirts. Bien évidemment, on a eu quelques demandes et là, disons, on en attend encore quelques-unes avant de relancer une impression. Sais-tu, Mike, là, si on en lance une impression, là, je sens qu'on pourrait faire, t'sais, là, puisqu'on va être rendu big, là, ouais. On s'entend-tu, on pourrait faire un t-shirt autographié puis le donner à aux xième personnes qui aiment notre page. Ah ouais, effectivement, on pourrait faire une promo comme ça, écoutez, parce que évidemment, notre autographe à moi et Andrew, ça vaut de l'or. Donc, t'imaginez, là, un autographe du gars viril, Michael Michaud, et d'un roux et d'un sur, roux le, même sur t-shirt. Le même t-shirt. Ça n'a pas de prix, ça. Parce que, mesdames et messieurs, on parle de jeu, mais on dit aussi des niaiseries à Puissance Maximale. Donc, comme à notre habitude, on va commencer en musique et on va continuer un peu dans la lancée qu'on avait fait la semaine passée avec le spécial. Eric Sico, machin. Ouais, c'est qui ça. Fait. Calderon, c'est ça. C'est Eric Calderon. Voilà, donc, ça valait la peine que je dise c'est machin, ouais, machin. C'est ça. Qui fait des reprises de musique de séries TV, de jeux et de trucs du genre. Je capote sur sa reprise des Tortues Ninja. Moi, c'est Sonic. T'écouterais celle de Sonic? Oui, je l'ai écouté. Elle est malade. Celle des Tortues Ninja, je me dis Michael Bay peut faire un reboot avec Megan Fox n'importe quand, tant que cette tune-là à l'intro et que Megan Fox se fasse tuer dans les 30 premières minutes du film. Et voilà, on accepte. Mais on va y aller cette fois-ci avec la reprise de la chanson du tableau de Guile dans Street Fighter 2. Et vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Thank you. partner. I'm creator of Tetris and you are listening to Essence Maximal. Et oui, de retour à puissance maximale, et on y va tout de suite avec, écoutez, une belle rencontre avec un Globetrotter geek, monsieur Guillaume, là, qui est avec nous en studio et qui va nous parler de son projet qui est assez fou, mais qui est un rêve pour plusieurs d'entre nous, le Geek World Tour. Salut Guillaume, comment ça va? Salut, ben ça va super bien, merci. Bienvenue à Québec, premièrement, bienvenue au Canada. Merci. Et écoute, justement, je t'ai posé cette question-là hors d'onde tantôt. En fait, le projet, on va présenter le projet, c'est quoi le Geek World Tour? Alors, le Geek World Tour, en fait, c'est une idée que j'ai eue pour mélanger mes deux passions, le voyage en premier lieu et la culture geek en second. Et l'idée, c'est de faire un tour du monde de tous les lieux et événements geek de la planète. Enfin, pas tous, du coup, parce que c'est impossible, mais de voir d'en voir une bonne partie. Voilà, voir un peu ce qui me fait rêver moi et puis du coup le partager sur un site internet pour faire rêver éventuellement le reste des geeks et puis répondre à un certain nombre d'interrogations sur commencer vraiment un salon de jeux vidéo à New York, le PAX East ou des trucs comme ça, commencer vraiment les décors de Star Wars, commencer vraiment Akihabara à Tokyo, voilà, ce genre de choses. Mais c'est en même temps quand même assez intéressant, c'est pas juste de voir les cultures geeks, c'est de voir aussi la culture geek dans d'autres cultures, comment qu'on est geek ailleurs dans le monde finalement. Voilà, ça comparait un petit peu les différences qui peut y avoir entre les différents pays. Est-ce que ça change vraiment la culture geek? Est-ce qu'on a les mêmes références ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent? Et du coup, même déjà, France-Québec, il y a quand même quelques différences. T'as des exemples pour nous? En fait, ouais, à première vue, vous êtes un peu moins porté sur le manga et la culture japonaise que nous, et beaucoup plus porté par contre que nous sur le GN. Oui, ben effectivement, il y a une grosse culture GN au Québec. On n'a qu'à penser à des événements comme Bicoline, et il y en a dans toutes les régions des GN comme ça. Puis même en ville, ici à Québec, au Parc des Maiserais, c'est une institution maintenant, ce grandeur nature-là. Il y a beaucoup de jeunes qui ont passé par là. T'as effectivement raison. Le manga, il y a des gros événements au Québec quand même. On a jusqu'à penser à Tokuton, à Janimé. Mais effectivement, le GN est quand même assez fort. Écoute, ça a commencé comment cette idée-là? Tu me parles de tes passions comme ça, mais l'idée t'est venue comment de vouloir partir? Alors, l'idée de vouloir partir, je pense que je l'ai toujours eue. En fait, j'ai une image que j'ai dans la tête depuis toujours. C'était l'idée de partir d'une carte en noir et blanc, d'une carte du monde en noir et blanc, et puis colorier dessus tous les endroits où j'étais passé. Et le but, c'était que sur mon lit de mort, il fallait que la carte soit entièrement colorée. Et puis bah forcément, enfin, du coup j'ai beaucoup voyagé, mais avec mes moyens, puisque je travaillais avant en tant qu'informaticien pendant 9 ans, et du coup bah j'avais mes semaines de vacances comme tout le monde pour voyager à droite à gauche. Et puis bah c'est un petit peu frustrant quand même de voyager 2 semaines, de devoir rentrer, et puis de revoyager 3 semaines, et puis de devoir rentrer et faire ça une ou deux fois par an. Ça avance pas beaucoup le coloriage de ma carte. Alors l'idée du tour du monde en fait vient très vite quand c'est comme ça. Surtout en fait en Europe, hein, puisqu'en discutant avec les Québécois que j'ai rencontrés ici, c'est vrai que nous, il suffit qu'on fasse 2 heures de route ou d'avion, et puis on change de culture, on change de pays, on change de monnaie, on change de langue. Ici, c'est beaucoup moins vrai quand même. Effectivement. Donc voilà, en Europe, c'est vrai qu'on peut se dire bah, facilement, tiens, j'irais bien visiter Copenhague. Ah bah tiens, pendant que je suis à Copenhague, j'irais bien à Stockholm, c'est pas loin. Puis ah bah tiens, une fois que je suis à Stockholm, j'irais bien à Helsinki, c'est pas loin. Puis ah tiens, une fois que je suis à Helsinki, j'irais bien à Saint-Pétersbourg, c'est pas loin, et ainsi de suite. Et de pas loin en pas loin, eh bien on se retrouve à Saint-Pétersbourg, Moscou, on se dit ah tiens, je vais prendre le transsibérien, Vladivostok, et puis oh ben mince, on est à Tokyo finalement, parce que voilà, c'est en ligne droite et on fait quelques arrêts comme ça et on se retrouve à l'autre bout du monde. Et puis du coup, on se dit bah oui, en fait, pourquoi pas le faire vraiment? Parce que là, le projet, c'est pas on part quelques mois. Là, moi, d'après ce que tu m'as dit, l'objectif, ce serait de partir 2 ans. C'est ça. En fait, 1 an, c'est court hein, quand même pour visiter le monde entier. Même 2 ans, c'est excessivement court. On peut faire que survoler. Mais bon, il y a bien un moment, il faut fixer une date de retour. Et 2 ans, je trouve que c'est un bon compromis. Voilà, ça permet de rester plusieurs mois dans plein de pays. Là, je reste un peu plus d'un mois au Québec. J'ai prévu de passer un peu plus de 5 mois aux États-Unis. Et puis après, voilà, il faudrait que je passe un bon mois au Japon. Voilà, il y a certains points névralgiques comme ça, importants dans la culture geek et dans ce que j'ai envie de faire moi, puisque au départ c'est quand même un tour du monde pour me faire plaisir. Donc je fais pas que des trucs super geek. Hein. Là j'étais à Tadoussac il y a 3 jours. On peut pas dire que ce soit spécialement geek là-bas. Ah mais il y a les geeks de la nature. Écoute, il y a des geeks partout. Et là la question qui brûle les lèvres de tout le monde présentement à l'écoute. Pourquoi tu as commencé par le Québec? Alors, pourquoi par le Québec? Alors déjà, en fait, bon, je suis venu la première fois, j'avais 12 ans avec mes parents. J'ai adoré vraiment le Québec. Et du coup, en 2005, quand j'ai eu mon premier salaire, mes premières vacances, je suis revenu au Québec. Et du coup, j'avais toujours dans ma tête le « c'est comment le Québec en hiver ?» Avec la neige, avec voilà, ce qu'on a nous comme image depuis l'autre côté de l'Atlantique. Et donc il y avait cette petite trame là. En plus après il y a eu plein d'autres raisons. Logistiquement parlant, c'est plus simple de commencer par un pays froid puisque c'est le seul que je vais faire avant la Russie vraisemblablement en novembre 2014. Donc en fait c'est simple d'arriver avec des vêtements chauds et de s'en débarrasser quand on quitte le pays plutôt que de devoir les transporter pendant des semaines ou des mois pour rien. Donc voilà, il y avait cette raison-là. Il y a le fait que je savais que Montréal, c'était quand même un gros point dans les jeux vidéo, notamment, un gros point de développement de jeux vidéo. Donc voilà, il y a tout un tas de raisons qui ont fait que... Et puis c'est plus facile aussi de c'est une entrée en matière un peu plus simple, c'est la même langue, c'est voilà, vous avez une réputation d'être absolument accueillant et je l'ai vérifié. Donc voilà, c'était beaucoup plus, enfin tout un tas de raisons qui m'ont fait commencer par ici. Effectivement, on est bien content de te recevoir ici comme premier comme point de départ finalement de ce tour du monde-là. Puis là, tu as visité un endroit à Québec, un incontournable selon nous, et sont bien des gens à Québec. Tu es allé au Fanamanga, et là, tu as rencontré Sonia, tu as rencontré... Jeannie aussi. Et Jeannie, c'est ça. Et ils sont super gentils. Moi, j'adore aller là, entre autres, à cause d'elles, parce qu'ils sont super accueillantes. Puis là, tu as écrit... Parce que le concept, c'est là que tu vas écrire des billets sur ton blog pour décrire les endroits où tu es allé et tout. Et là, tu as passé quand même pas mal de temps au Fanamanga, si j'ai bien compris. Ouais, j'y ai passé des heures. Mais pour... voilà, pour... parce que c'est un endroit sympa où je me sentais bien aussi pour écrire. Donc là, j'étais tout à l'heure, juste avant de venir ici, pour écrire un billet sur la planque, qui est un autre point important pour les gamers ici. Et puis, puis voilà, l'idée, c'est vraiment d'écrire sur les différents points qu'on m'indique. Et effectivement, Jeannie et Sonia m'ont donné plein de contacts qui, du coup, m'ont ouvert plein de portes, dont celle de cette radio. Puisque en fait ça a fait son chemin via Véronique Thibault qui est graphiste qui expose là-bas, qui a des éléments à vendre, et voilà, du coup que j'ai contacté, qui m'a remis en contact. Enfin voilà, ça c'est vraiment, elles sont au centre d'un réseau important pour les geeks et les otakus du coin, et moi ça m'a beaucoup aidé. Donc là, t'es à Québec, tu vas faire, t'es ici pendant un mois au Québec, tu nous as dit ça tantôt. Et là, après ça, c'est les États-Unis. On a parlé d'événements qui sont teints, qui tu veux pas manquer. C'est quoi tes projets là, qui s'en viennent, les gros événements que tu vas aller voir? Alors, en fait, je suis parti du principe que voilà, j'aurai de la chance pendant mon voyage et que donc je prépare. Enfin, de toute façon, j'ai pas vraiment pris le temps de préparer avant de partir. Je me suis assez vite confronté à un petit souci, c'est que la plupart des événements auxquels je voulais assister, qui font rêver l'E3, ce genre de choses, sont pas ouverts au public. Bon, ça c'est pas gagné du coup pour visiter. Du coup, et puis par exemple, il y a d'autres éléments. Le Comic-Con à San Diego, par exemple, je voulais y aller. Bon, les places étaient en vente à une heure fixe, donc à l'heure précise, j'étais sur mon ordinateur, mais j'ai pas été capable de même accéder à la liste d'attente quand je voyais sur Twitter que certains disaient être 47 millième dans la file d'attente. Donc je sais même pas si eux qui ont réussi à rentrer ont réussi à avoir une place. Enfin, c'était vraiment un élément. Enfin, la vente des billets pour le Comic-Con San Diego était juste la folie. Donc, et puis en plus, c'est excessivement cher, mais ça fait partie du voyage aussi, hein, j'avais prévu le budget pour ça. Et donc, j'ai pas réussi à avoir de place, donc normalement, je vais pas pouvoir y aller, on verra. Tout reste possible. On sait jamais. Voilà, d'ici là, on verra. Mais sinon, j'ai eu pas mal de chance, en fait. J'ai contacté Frédéric de Game Focus, qui est un gros site de news de jeux vidéo, et avec qui on s'est vraiment bien entendu, et qui m'a dit qu'il essaierait les événements auxquels il peut pas se rendre, de m'accréditer pour au nom de Game Focus pour que je puisse rentrer, faire un des billets pour mon blog et pour prendre des photos, écrire des billets pour Game Focus. Ah, c'est bien ça, la collaboration comme ça. Voilà, donc gagnant-gagnant. Entre passionnés, c'est toujours le fun de voir qu'il y a des gens ouverts comme ça. On va prendre des notes. Effectivement, c'est ça, on va prendre ces trucs, c'est bon ça. Parce que c'est comme on parlait dans hors d'onde tantôt, pour les médias communautaires comme Asekaya et Puissance Maximale, c'est toujours un petit peu plus compliqué. On a nos entrées aussi, mais effectivement, c'est assez compliqué. Écoute, je me demandais ça, là, parce qu'on est évidemment. Les États-Unis, le Japon, c'est des endroits pour les geeks qui sont effectivement des incontournables. C'est des lieux cultes. Effectivement. Puis là, moi, je me demande, tu as dit que tu n'as pas trop prévu, mais tu dois avoir quand même une idée. Y a-tu des pays, des endroits où tu vas aller où la plupart des gens feraient ah ouais, il y a des choses geeks à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a des pays qui ont l'air. Ce serait plus bizarre de se rendre pour un geek, mais que toi, tu sais qu'il y a quelque chose là-bas qui se passe? Alors, il y a le seul élément qui me vient en tête. En fait, chez moi, j'ai une borne d'arcade. Un jeu d'arcade que j'ai remis en état. Et du coup, pour m'aider, en fait, je suis allé voir les gens qui faisaient ça sur un forum qui s'appelle Game Over. Et là-bas, il y en a un qui est parti en vacances sur l'île de Pâques. Et il a réussi quand même à trouver deux bornes d'arcade dans un bar sur l'île de Pâques, où il n'a pas pu savoir quels étaient les jeux qu'il y avait dedans, puisqu'il y a l'électricité 3 heures par jour. Mais et pour autant, il y a quand même des bornes d'arcade au milieu de nulle part. Et voilà, on va aller voir si j'arrive moi aussi à les trouver, pourquoi pas. Et si toi tu peux réussir à savoir quels sont les jeux qui sont. Voilà, voir éventuellement trouver un peu de temps pour faire une partie s'il y a de l'électricité. D'arriver en bon temps, j'avoue que l'île de Pâques, j'ai pensé à bien des choses en pensant à l'île de Pâques, mais pas à des bornes d'arcade. Je suis. Qu'on y aille. Que Puissance Maximale aille faire une enquête là-dessus. Effectivement, il faut juste se trouver des fonds pour voyager jusque-là. On va offrir le projet à Sequoia, ils vont nous financer. Oui, tout à fait. Tantôt, tu as parlé de la Russie. Ça m'intrigue réellement. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier en Russie qui t'intéresse à aller voir un événement ou un phénomène? Alors, en fait, la Russie, c'est tellement loin dans mon voyage que je ne me suis pas encore projeté jusque-là. Tu sais que tu veux y aller, mais ouais, c'est sûr qu'il y a quelque chose. J'ai vraiment envie, à titre personnel, de prendre le Transsibérien, parce que voilà, c'est quand même un monument, un incontournable un peu. Se dire que oui, moi, j'ai pris le Transsibérien, oui, j'ai mis X jours pour traverser toute la Russie. Après, dans les événements, je sais pas trop, parce qu'ils ont une grosse culture informatique quand même. Ils ont de très bons hackers. Je sais pas si c'est facile de les rencontrer, parce que ils font pas que des trucs forcément très légaux, Oui. Du coup, ça va peut-être être un petit peu compliqué, mais voilà, on verra. Je voulais passer dans ce genre de pays aussi. Je voulais passer à Cuba. Je sais pas si j'aurai le temps, mais en fait, je voulais aller voir, puisqu'il y a un embargo américain. Je voulais aller voir s'ils avaient quand même des iPhones. Ah, ben oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a Samsung et HTC, ou est-ce que... Ah, c'est bon, c'est une bonne question à aller poser aux gens de Cuba. Écoute, en terminant comme entrevue, là, je me demandais, on parle de ton projet, on va parler de toi un peu. Il y a les geeks de différents domaines, ça s'entremêle. Il y a des gens qui préfèrent les mangas, il y en a qui sont très gamers, il y en a qui vont être informaticiens... dans le sens de la machine, on va jouer là-dedans. Il y a des geeks de BD européenne également. Il y a des geeks partout. Toi, c'est quoi ton bassin? Est-ce que t'as quelque chose que tu préfères dans tout ça? Alors, dans tout ça, ce que je préfère, moi, c'est le rétro gaming et puis l'aspect do-it-yourself. Voilà, j'ai travaillé, enfin j'ai fait des études en électronique. J'aime beaucoup travailler les petits composants et leur faire des trucs incroyables. Voilà, j'ai travaillé pendant quelques temps professionnellement pour Alcatel, faire ce genre de choses, programmer des microcontrôleurs. Et c'est vrai que quand on ouvre la porte de l'électronique embarquée, on ouvre une boîte de Pandore. On peut faire quand même tout un tas de trucs. C'est vrai que c'est quand même bien sympathique. Voilà. Mais sinon, il y a des domaines auxquels, enfin que je croise maintenant, auxquels j'avoue ne rien connaître du tout. Le GN en est un, Magic en est un autre. Voilà. Je reconnais qu'on a essayé de m'expliquer Magic hein, deux fois. Et deux fois, j'ai fait « Ah ouais, non, bah non, en fait, non. » Je suis solidaire avec toi, je suis voilà, pareil. Je comprends rien. On m'explique les règles, puis deux secondes après, on dirait que mon cerveau fait un filtrage, puis c'était pas une information pertinente. Dis, regarde, il y a une manette de NES là-bas, là, va donc jouer. C'est ça, c'est voilà, le même principe. Jouer aussi, là, ouais. Ah mais excellent, écoute, merci Guillaume d'avoir passé à l'émission, puis évidemment là, comme je t'ai dit tantôt, tu es le bienvenu de rester pour commenter les nouvelles qu'on va amener pendant l'émission, mais bien évidemment bienvenue de rester et bonne chance pour le reste de ton voyage. Merci. Donc on continue en musique, monsieur Castegan. Ouais, avec Ghost Guster. Ouais, qui est une reprise de la chanson de Ghostbuster. Ouais, ben j'ai compris le léger. Par le groupe Arm Cannon, qui est un groupe metal, rock, bref, qui refait des reprises également. Je suis très repris ces temps-ci de d'émissions et de jeux. Et vous allez voir, c'est vraiment une belle version. Et vous entendez ça, bien évidemment, à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. hate this. Oui, vraiment. Ok, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Boss Guster, c'est ça? Ouais. Eh hey, voilà, hey, je m'en rappelais. Ben, c'est pas compliqué, c'est deux lettres inversées. Ouais, mais c'est mêlant. Et évidemment, Normand Lamour, notre ami de toujours, qui vient nous ramener à la dure réalité. Et là, on va vous parler de nouvelles ludiques. Et on va commencer par vous parler, comme je vous ai dit tantôt, de Dragonborn. Deux semaines en retard, mais... Ouais, mais il faut prendre le temps. Moi, je l'ai toujours dit, on fait nos critiques après les sorties, parce qu'on veut prendre le temps de bien jouer au jeu. Ah, ben moi, j'ai même pas eu le temps de jouer encore. J'étais encore en train de me battre avec Windows 8. Ouais, parce que toi, tu as une nouvelle... On pourra faire une chronique là-dessus, mon cher Endo, maintenant que tu l'as bien testé. Une chronique comment sacrer avec Windows 8, parce que moi, je t'entends sacrer tous les soirs. Mais en fait, je te dirais, il faudrait faire une chronique Windows 8 versus le gamer. Ouais, c'est ça. T'sais, ça serait plus ça qui serait... Parce que Windows 8 est pas mauvais en soi, mais je comprends les développeurs de jeux... Qui sacrent présentement. Qui sacrent après. On pourra en parler plus tard. Effectivement, Andrew a pas pu tester, mais moi, j'ai pu le faire. La semaine prochaine. Ben oui. DLC, le contenu téléchargeable Dragonborn à 20$. Évidemment, moi, j'ai testé la version PC. Donc, mise en contexte, on se promène sur les terres farouches de Skyrim. Et là, on se fait aborder par un cultiste qui nous dit Mirak, fais dire que t'es un sale imposteur et on va te péter la gueule. Donc, il t'attaque. Évidemment... étant Dragonborn et dans mon cas étant très très très cheaté, ben je leur pète la gueule, je trouve un message disant qu'effectivement ils ont été envoyés par Mirak, un Dragonborn lui aussi, comment est-ce possible, et on le découvre en allant sur l'île de Solstheim qui est dans le continent, dans le pays Morrowind qui abrite le peuple des Dark Elves, et c'est à ce moment-là que se déclenche le DLC. Donc en gros, c'est que l'histoire principale, c'est qu'on va essayer de combattre ce méchant Dragonborn qui est finalement dans un monde parallèle et qui veut revenir à la vie et ainsi détruire, ben pas nécessairement détruire, mais mettre le monde à sa botte. Donc on va le combattre. Évidemment, dans le DLC, on a on a évidemment la trame principale, on a toutes les quêtes optionnelles qui peuvent se déclencher en parlant avec les gens dans la grosse ville qui est Ravenrock. Et évidemment, il y a des nouveaux pouvoirs, dont deux cris, qui est un qui est Mind Bind, où on va finalement ordonner, on fait ce cri-là, puis là, les gens vont arrêter de nous attaquer, puis ils vont se revirer contre nos ennemis. Et quand on l'a dans le tapis, ben là, on peut faire ça sur des dragons et nous permettre de les monter. Et oui, ça, c'était une grosse nouveauté, et j'ai été franchement déçu. Malheureusement, écoutez-moi, je pensais qu'on allait être sur le dragon, puis qu'on allait pouvoir se promener partout sur la carte et faire l'appui et le beau temps. Erreur monumentale de jugement de ma part. Alors, en fait, ce que ça fait, c'est qu'on embarque sur le dragon, on lui fait le cri, il atterrit, on embarque dessus. Puis ce qu'il fait, c'est qu'il reste comme quand vous croisez un dragon. Il reste dans la région où il est, immédiat, et il vole comme ça en rond. On peut aller chercher des cibles, verrouiller une cible et faire attaquer le dragon sur la cible, mais c'est pas mal ça. Il peut nous servir de faire de voyager rapidement en faisant du fast travel avec la carte, ce qui fait qu'à place d'arriver à pied à une place, ben on est dans les airs à tourner autour, puis on atterrit et voilà. J'ai un peu déçu, c'est juste ça. Ouais, mais dis-toi que excusez. Ils ont mis ça, Bethesda, là, le monde va être déçu. Et qu'est-ce qui va arriver? Le monde va le modder! Ouais, il va avoir un mode ou un autre, peut-être un autre DLC qui va permettre. Il y avait du monde qui avait commencé à travailler là-dessus, mais c'était buggy. Fait que là, Bethesda vient de leur donner à la base. Fait que, allez, modeur, modder pour nous. Effectivement, parce que ça serait pratique. Vraiment intéressant. Je vais sortir mon fouet. Parce qu'on n'aurait même pas besoin de faire du fast travel. Ça serait beaucoup plus fun de faire du vrai fast travel dans le sens où t'embarques un dragon, tu vas d'un point A à un point B. Ça flash en maudit à être au-dessus de tout le monde comme ça, puis de voler. Mais on peut pas le faire. Puis quand on est méchant, tout brûlé sur son passage. Ben, évidemment, bien évidemment. Autre nouveauté, ça, dans les autres cris qu'on peut faire, ben, il y en a un qui c'est la Dragon Aspect. Moi, au début, j'avais vu ça, je fais... On peut se transformer en dragon. ça va faire mal. Non, finalement, c'est que ça nous fait comme une armure spectrale un peu autour de nous qui vont booster des éléments. Il y en a qui boostent la force, il y en a qui vont booster directement les cris qu'on va faire, qui vont faire plus mal. Et il y a aussi des avantages qu'on va attraper dans le monde parallèle, parce qu'on va se promener dans le monde parallèle pour aller essayer d'attraper Mirac. Donc, finalement, c'est booster des cris, booster notre personnage avec des attributs qu'on pogne dans les livres, dont un que moi, Pienro, on a fait très cool, c'est que ça booste notre cri, le fameux Fusruda, ben ça le booste en dégâts, puis en plus, quand le personnage est sur le bord de mourir, ben il se désintègre en même temps. Je trouvais ça assez épique. C'est pas le stock dessus, mais c'est pas grave pour l'aspect je torche. Épique. Effectivement, ça a vraiment de la gueule. Donc, plusieurs ajouts comme ça, des nouvelles armures, des nouvelles armes aussi qui se rajoutent à ça, et quelques missions. Écoutez, moi, je dirais un 7.5... sur 10 pour la simple et bonne raison que la quête principale est assez rapide. Il y a quand même beaucoup de quêtes optionnelles autour et ça amène encore des nouvelles armes, c'est ça, des nouveaux pouvoirs qui sont quand même intéressants. Il est 20$, je trouve ça quand même un peu, tu sais, à 15 ça aurait été intéressant, à 20 je trouve ça un peu cher. Surtout comparé à Dawnguard, il me semble que la quête principale de Dawnguard, ce que ça permettait d'avoir, c'était beaucoup plus intéressant, surtout pour la longévité là, je sais que je suis très en retard, mais je viens de commencer à jouer à Dawnguard et le Vampire Lord là, ça fait mal. Oui, effectivement. Ça fait très mal. Donc, il y avait des ajouts vraiment intéressants, dont la fameuse arbalète aussi dans Dawnguard qui était vraiment intéressante. Comparé, en tout cas, je trouve pas qu'il y ait tant de choses. Pour 20$, je trouve ça un petit peu cher, mais bon, c'est Skyrim, on est plus indulgents. Parce qu'on aime beaucoup Skyrim ici, à puissance maximale. Donc, c'est sûr qu'on fait des critiques, on est... On est trop chaud. On n'a surtout pas de parti pris. Non, pas du tout. Et là, avant de retourner en musique, peut-être une petite nouvelle rapide, M. Castegan? Oui, en fait, on a parlé de la PS4 la semaine passée. Effectivement. Que Sony ont fait... On fait la conférence la semaine passée, oui. Excusez-moi, j'ai eu un... Un blanc, on voit ça. Oui, ben c'est ça. Puis, dans le fond, Microsoft aurait annoncé le XboxEvent.com en avril, donc une conférence de presse pour annoncer des affaires à propos d'Xbox. Est-ce que ça serait la Xbox Next ou 720 ou 3, dépendamment du nom de code que vous préférez? Et ça serait surprenant, maintenant, ça serait une des rares fois que vraiment toutes les nouvelles consoles ont été annoncées avant le E3. Effectivement. Ben, de toute façon, le E3, ben, là, ça va être des conférences, une conférence encore à la Sony, très vague. On n'aura pas de détails. Bon, on sait jamais. Les connaît. Malgré que Sony ont commencé à sortir beaucoup plus d'informations à chaque fois. Malheureusement, il y en a beaucoup que c'est des choses qu'on a faites told you so. Effectivement. Mais on va bien voir au mois d'avril avec Microsoft. On va retourner en musique, M. Castegan. Oui, avec Nous restions là. Oui, une excellente chanson de Pierre Lapointe. Je suis un grand fan de ce chanteur. Auteur, interprète, compositeur québécois, je l'adore. Donc j'ai redécouvert cette chanson-là hier, donc on vous la passe ici à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. J'ai fait cet étrange rêve où nous étions tous deux, insouciants et reclus, sur nos deux corps presque nus, étouffés par la lumière, les yeux crevés par des éclats de verre, nous restions là. Là, j'ai fait cet étrange rêve où nous étions tous deux auréolés de bonheur sous des centaines de soleils qui pleurent, la peau rapiécée par des fils sortant de nos talons d'Achille. Nous restions là, nous restions là. cet étrange rêve où nous étions tous deux torturés par nos désirs comme deux jeunes amoureux immobilisés par la souffrance de devoir apprendre à être deux. Nous restions là. J'ai fait cet étrange rêve où nous étions tous deux massacrés par l'allégresse d'un lourd sentiment amoureux, à se marteler de questions, à se crier comme il fait bon de rester là. À se crier comme il fait mal de rester là. Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale pour d'autres nouvelles ludiques, M. Castigan. Oui, en fait, après avoir parlé de la possible annonce de la Xbox 3, 720X et peu importe, on va retourner sur notre PS4. Et oui, allons-y. En fait, la première chose, vous vous rappelez, la semaine passée, je vous avais dit... Faites attention, les jeux d'occasion, anguilles sous roche, faites attention. Puis on avait dit qu'il y avait eu une nouvelle comme de quoi que la Sony allait rouler les jeux d'occasion finalement, puis tout ça. Mais, il y avait le fameux brevet qu'on avait parlé qui faisait en sorte que le jeu avait un attachement à une console unique. T'sais, dans le fond, que dès que vous achetiez le jeu physique ou numérique ou peu importe, malgré le numérique, tu peux pas vraiment le partager, mais peu importe le format, aussitôt que tu l'insérais dans ta console, il devenait attaché à ta console et tu pouvais pas le prêter à un ami ou le revendre. C'était un brevet que Sony avait fait déposer et qui a été approuvé voilà quelques semaines. En fait, on apprend que Sony va donner cette technologie-là à disposition des développeurs qui vont faire des jeux sur leur console PS4. Donc, finalement, ça va être les développeurs qui vont dire « Moi, oui, je décide que mes jeux vont être attachés à une seule console. » C'est ça. Ce serait assez cabochon de leur part de faire ça. Moi, je trouve ça un peu hypocrite de la part de Sony, oui, personnellement. Ça. Là. T'as voulu un gun. Moi, je regarde par là-bas, fais ce que tu veux. C'est ça. T'sais, détruis l'industrie du jeu d'occasion, détruis l'industrie de la location. Je m'en lave les mains, le gun est sur la table. C'est vraiment ridicule. S'il y a des développeurs qui font ça, mais de toute façon, on en parlait hors d'onde avec Guillaume justement, les consommateurs sont un peu cons. Ce qu'ils vont faire, c'est même si le jeu est intéressant, ils vont l'acheter pareil. Puis après, ils vont chialer. Ouais, mais je peux pas le prêter, je peux pas mal l'acheter. Je peux plus m'acheter d'occasion avec ce développeur-là parce qu'ils veulent pas tatatitatata. Ben, c'est ça. Vous allez acheter la PS4 qui va permettre ça. Faut assumer. Mais bon, moi, plus ça avance, moi, je suis très PC, je suis très joueur PC et rétro. Puis, j'achète plus de jeux rétro que de jeux que de jeux récents, je pense. Puis je peux vous dire que moi, à date, la PS4, là, elle risque de rester sur la tablette du magasin juste à cause de ça. Mais anyway, je l'ai dit, hein, s'il n'y avait pas un changement de mentalité au niveau du marché des consoles... Oui, il va y avoir une baisse. Il va y avoir une baisse, puis c'est étonnant, mais le PC gaming remonte. Juste à voir les titres qu'on voit qui sortent sur PC, le Indie Gaming, la Steam Box qui n'est pas exactement un PC, mais t'es, ça reste que c'est la librairie Steam qui va être disponible sur la Steam Box. Là où il y a et tout ça, ben t'es, c'est les consoles, il faut qu'il y ait un changement de mentalité quelque part. Effectivement. Si on peut pas jouer à ces jeux PS4 sur la console en allant chez un ami avec sa console, j'espère que Sony aura prévu la poignée comme sur la GameCube à l'époque. Bah oui. Pour pouvoir trimballer sa console, parce que il faudra emmener la console et les jeux, quoi. Et tout débrancher à chaque fois. Bah oui. On va se croire à l'époque des LAN parties où on amenait les ordi à la maison chez nos amis pour faire du jeu en gang, parce que ça va être, on va revenir à ça. Ça va être chouette. Ah oui, effectivement. On va être bien content. Mais maintenant, c'est sûr qu'à cette heure, il y a juste deux fils, là, mais c'est chiant pareil. On avait parlé aussi de la rétrocompatibilité, la PS4 n'était pas rétrocompatible PS3, PS2, PS1, qu'il fallait racheter encore une fois tous nos titres en virtuel. Il y a eu une question qui a été soulevée. Est-ce qu'il va y avoir un programme passeport pour les jeux PS3? T'sais, si vous vous rappelez, dans le fond, au Japon, nos amis japonais ont eu l'honneur avec la PS Vita d'avoir un système passeport qui permet de rentrer le UPC, le code barre dans le fond de leur jeu PSP, c'est ça, et de l'avoir en copie numérique gratuite sur leur PS Vita. Chose qu'on n'a jamais vue en Amérique, parce que Sony nous l'avait promis, mais finalement, ils ont fait un backtrack, puis on dit non, il n'y en aura pas. Mais en fait, il n'y en aura pas non plus pour les jeux de PS3. Sony, on dit non. Payez, consommateurs que vous êtes, on est Sony et vous nous aimez. Mais une autre nouvelle a tombé sur la rétrocompatibilité. Est-ce que vous savez que tous vos jeux, je dis bien tous vos jeux que vous avez achetés sur la PSN actuellement, sur votre PS3, ne seront pas compatibles PS4? Et voilà. Si vous voulez avoir vos jeux PSN de la PS3 sur votre PS4, ben, il va falloir repayer pour la version PS4. Donc, mesdames et messieurs, gardez donc vos PS3 proches. Sans farce, là. Fait que ça, c'est... ça devient de plus en plus ridicule. C'est merveilleux. Je comprends le point de vue de la compagnie qui fait... parce qu'une console, ça se met à perte habituellement au début. Ils ont de l'argent à faire. Puis Sony, ça va pas très bien. Mais ça aide vraiment pas avec ce genre de décision-là. Ah, mais il y a une autre nouvelle aussi. Ben, vas-y donc. La PS4 ne sera pas compatible jeu PS3, PSN et tout ça, qu'est-ce que je viens de nommer. Et ne sera pas compatible avec les CD audio. Tu me niaises? Non, nouvelle qui a tombé le 22. C'est que tu ne pourras pas utiliser de CD audio. Chérie, écoute, allume les chandelles pour le souper. Là, je vais aller mettre un excellent CD de Frank Sinatra. Diantre, mon PS4 ne le lit pas. C'est ça que tu es en train de me dire? Exactement. Uniquement compatible avec les formats numériques ou encore les tunes achetées par leur service Sony Unlimited. Ouais, là. Mais la première Xbox, elle ne les lisait pas non plus. Oui, ben oui, on pouvait faire des rips, on pouvait mettre des copies. En tout cas. Ici, je sais pas en France, mais... En Amérique, la Xbox 1, ça marchait. Ouais, on pouvait même... Okay. Y avait même une option dans certains jeux où il allait piger dans notre librairie de musique, puis il mettait ça dans le jeu. Les jeux de course, entre autres, il y avait cette possibilité-là sur la Xbox 1. Et une autre nouvelle qui est tombée aussi dernièrement. Là, il y a du monde qui voit ça d'un bon œil, d'autres qui le voient d'un moins bon œil. Vas-y donc. PSN Plus obligatoire pour jouer en ligne. Oh, ben écoute, ça, ben moi j'aurais tendance à dire non, je suis pas content, mais si on va du côté de la Xbox Live... Moi, d'un côté, si le service PSN reste aussi instable, lent et pas capable de chatter sans avoir des coupures dans les loadings, je serais très frustré de payer pour jouer en ligne. Mais s'ils mettent un service qui a de l'allure, qui est bien monté, comme exemple, je veux pas louanger Microsoft, qui est souvent considéré comme un démon, mais on s'entend-tu que la plateforme Xbox Live, elle marche bien? Oui, c'est ça. C'est un service qui est payant, mais t'es, au moins, ça prend pas 8 ans load in game, puis quand on part un chat en groupe à l'écran d'accueil, ça coupe pas. Ça, ouais, effectivement. Il y a un bon service en ligne avec Microsoft. Faut leur donner ça. Vous pouvez jouer à tous des jeux différents, pis c'est pas grave, ça coupe pas. Qu'est-ce que vous pouvez pas faire avec la PlayStation? Fait que si, on s'entend-tu que si vraiment ils font un rehaussement du network, j'ai rien contre à ce que le service devienne payant, mais s'ils gardent ça de même. Ouais, ça reste comme ça, puis à voir à combien ils vont chiffrer ça. Si c'est au même prix que le PlayStation Plus, écoutez, c'est pas mal dans le même genre que Xbox Live, là, mais. On verra bien. Écoutez, ben c'est ça, les gens qui sont contents, c'est peut-être que les autres, ils imaginent que bien évidemment, parce qu'ils vont charger. Sony va améliorer tout ça. C'est Sony, oubliez pas. Donc, c'est pas nécessairement ce qui va se passer. Oui, anyway, ils ont été clairs dans leur conférence et ont travaillé pour les développeurs. Ouais, c'est ça. Ça, ils ont pas manqué le fait, dans les trois points à retenir de la conférence, de mettre cette ligne-là en gras bleu au lieu de noir, comme les deux autres. Les deux autres qui, en passant, étaient les points qui touchaient les consommateurs. T'es en train de nous parler de conspiration, toi, là? Non, je veux juste parler que Sony apprend pas de leurs erreurs, visiblement. Ah, ça, c'est sûr. Moi, je l'ai dit la semaine passée, j'ai dit... T'sais, peut-être que Sony ont compris, peut-être que la console va être merveilleuse, puis tout ce qu'on entend là, ben finalement, ils vont être réfractaires. Parce que, on se cachera pas que Sony, à chaque fois qu'on fait une annonce d'une console, on arrive au E3, puis ah, tiens, t'sais, tout a changé. Ouais, c'est ça. Ils sont bons là-dedans, là. T'sais, mais on s'entend que... Actuellement, la mentalité que Sony projette avec leur PS4, c'est loin d'être « on vous aime, nos consommateurs, et on va faire de quoi de bien pour vous ». Ça ressemble plus à « les consommateurs aiment Sony, peu importe qu'est-ce qu'on va leur barouetter, ils vont payer ». On se rappellera aussi, on en a parlé la semaine passée, de la barre vidéo qui ressemble à une Kinect, puis la manette qui a des... Il y a des allures puis des options à la gamepad de Wii U, en tout cas, tu sais. Puis on parle après ça des révolutions. Ah, puis que le PS Move qui a pas de jeu. C'est ça, il préparait le terrain avec la PS Move. Ça, c'est encore meilleur, ça. Les jeux de PS3 sont pas compatibles, les manettes de PS3 sont pas compatibles, mais prenons l'accessoire le plus sous-utilisé de la PS3, mais lui, on va le rendre compatible, le PS Move. Écoute, c'est la logique, c'est magique. Sinon, ben dernière nouvelle au niveau de la PS4, mais PS3 en même temps. Cette fois-ci, ça concerne Blizzard. Quand que ça a été... en fait, Blizzard a annoncé lors de la conférence de la PS4 qu'il allait faire un portage de Diablo 3. C'est là une bonne nouvelle. C'est une joke en passant. On s'en sac de Diablo 3 sur PS3, en tout cas. Mais en fait, au grand malheur des gens de la PS3, PS4, qui disaient « Oui, yeah, un jeu cross-plateforme, je vais pouvoir jouer avec mon ami PC ou Mac. » Non. Ben non, c'est... Je pensais... Moi, en tout cas, moi, j'avais jamais dans ces... Dans ma tête, tu pouvais pas faire ça. Ben, il y a des jeux d'Xbox qui le faisaient. Ah ouais? Xbox 360, c'était mauvais, mais Shadowrun le faisait. Ah ouais? On pouvait jouer en multijoueur avec des gens sur PC. Mais ça, c'est cool, ça, comme principe, mais... C'est, non, mais mettons que... on s'entend-tu que Diablo 3, c'est pas le genre de jeu que t'as un avantage de jouer sur PC ou sur console? C'est un hack and slash. Ouais, c'est ça, peu importe. Fait que toi, on s'entend-tu, si tu joues sur le même serveur que quelqu'un qui est sur PC, je vois pas vraiment où est-ce qu'il y aurait un écart de puissance ou de gameplay. Non, c'est ça. Surtout qu'on s'entend-tu que Diablo 3, juste à la méthode qui joue, malgré que tu l'as pas joué, mais je sais pas si Guillaume a joué à Diablo 3, bon, je vais parler tout seul. La façon que Diablo 3 joue, il y a une petite mentalité console en arrière de ça, même si on joue PC, non? T'en avais parlé quand on avait fait ta critique, effectivement. C'est ça, fait que t'es... Bref, je vois pas qu'est-ce qui motive Blizzard dans cette idée-là, là, mais moi je trouve que c'était tant qu'à sortir le même jeu sur une console next-gen avec sans réel changement, j'aurais fait au moins ça comme avantage, j'aurais été bien, tu sais. Ça aurait populé un peu les serveurs, ça aurait baissé un peu les serveurs de World of Warcraft, tu sais. Autre nouvelle, M. Castegan, là, ça va être moi qui vais en dire une, et je vais vous parler rapidement de deux annonces qui ont été faites sans date encore de sortie, mais qui, une qui m'intéresse vraiment beaucoup, une pas tant que ça. La première, Munchkin, vous connaissez tout le fameux jeu de cartes Munchkin, avec lesquels on a des heures et des heures et des heures de plaisir et ses différentes versions. Mais une nouvelle version qui s'en vient, mesdames et messieurs, et c'est la version Pathfinder. Et oui, Pathfinder, dont on vous parle à l'occasion aussi à l'émission, donc un peu ce nouveau penchant du système de jeu Donjon Dragon. Souvent les gens l'appellent Donjon Dragon 3.75, au lieu de qui a finalement été le principal rival de la 4e édition de Donjons et Dragons, ben ils vont une version Munchkin de tout ça. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler, parce qu'on sait que Munchkin, c'est très très humoristique, et j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Il n'y a pas de date encore, faudrait qu'on se promène un peu sur le sur le site de Steve Jackson Game puis, et autres pour voir s'il y a des dates. Il me semble la dernière fois que j'avais checké, il n'y en avait pas. Donc ça. Puis Paizo n'ont pas fait d'autres. D'autres annonces par rapport à ça. Donc, mais j'ai bien hâte de voir ça. Ça va être un genre d'achat parce que malheureusement, chez nous, je n'ai aucune version de Munchkin. Faudrait que je m'en achète une. Et ça sera peut-être l'occasion de le faire. Moi, j'avais Munchkin avec quasiment toutes les expansions, mais il a mystérieusement disparu. Comme bien des choses chez nous. Ah, ok. Malheureusement. Et autre nouvelle qui est sortie aujourd'hui, c'est l'annonce de Assassin's Creed 4. C'est Black Flag. Black Flag, et je crois qu'on va avoir l'affiche. Ça sent le pirate. Parce que dans les gros trucs qui sont sortis. J'avais le goût de faire un jeu de mots très mauvais. Non. Je refuse. Pas, non. Je peux pas. Non. Oh, il va se faire pirater. Ah, t'es con. Je t'avais dit de pas le dire. Trop tard. Tu seras frappé. Je pensais que t'allais dire j'allais être fusillé. À l'aube, comme le veut la tradition. Effectivement, c'est ce qui se passera. Donc, ben écoutez, c'est un des ajouts qu'il y avait eu dans Assassin's Creed 3 qui avait été, entre autres par moi et par bien des gens, 2 pouces en l'air pour les combats sur la mer, donc combats navals avec le bateau, les canons et tout le tralala. Et je pense que Ubisoft, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et je pense qu'il va y avoir quelque chose à ce niveau-là, mais il y a pas. Moi, je vous dis ça en me fiant sur la pochette qu'ils ont présentée. Le 4 mars, donc la semaine prochaine, il va y avoir une annonce, des annonces plus. Avec les détails, finalement, là, chez Ubisoft, pour nous parler de ce nouvel opus de la série Assassin's Creed. Donc, on verra bien la semaine prochaine de quoi il en retourne. Et est-ce que tu as d'autres nouvelles avant qu'on se quitte, M. Castel? Une petite rafale, Battlefield 4 confirmé sur les consoles next-gen, donc PS4, Xbox 3, Next, peu importe, PS3, 360 et PC. On nous parle d'une date? Non. Pas encore, juste confirmé. Mais on devrait avoir plus de détails au E3. C'est sûr qu'il y a. Le E3 cette année, ça ne sera pas manqué. Il y a eu quelques alpha tests et bêta tests et il paraîtrait que. Moi, je me disais, il me semble qu'ils sortent ça vite versus le 3, mais il paraîtrait que c'est le jour et la nuit. Parce qu'il y a un nouveau engine graphique pour le 4, là, puis il paraîtrait que c'est. Mais déjà que le Frostbite, le 2, c'était un nouvel. Puis on y avait présenté ça au E3, puis c'était magique. Effectivement, c'est un super beau jeu. Ben, j'ai hâte de voir ça. On parlait de déformation de terrain, encore plus de destruction de bâtiments, puis plein d'affaires. Rapidement aussi, Square Enix ont confirmé 2X Human Defiance. On ne sait pas, par exemple, si c'est un DLC ou une suite à Human Revolution. Plus de détails au E3. Et moi, personnellement, je suis très content. Blood Bowl, jeu de football avec des personnages de Warhammer. Très le fun sur PC, tactique un peu. La compagnie, que le nom m'échappe, Focus Home Interactive, ont annoncé Blood Bowl 2 pour son grand retour dans l'industrie du jeu en 2014. Oh yeah! Merci beaucoup, M. Castagan, pour ces nouvelles. Et c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Ça va tellement vite. Je voudrais remercier M. Guillaume Pigeon qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler du Geek World Tour. Merci à vous. Et on va continuer à suivre. C'est quoi l'adresse de ton site? C'est www.geekworldtour.com. Tout simplement. Le même sur Facebook, le même sur Twitter. Excellent. On va mettre ça sur le site internet de Puissance Maximale lorsqu'on va mettre ça en podcast. Merci Guillaume d'avoir passé à l'émission. M. Castagan, chapeau bas. Merci d'avoir été là comme à chaque semaine. Et j'ai été le sauveur de l'émission. J'ai bravé vent et tempête. Pour trouver la clé. La clé. Pour nous permettre de rentrer au studio CKIA. Merci beaucoup, Andrew. Ça me fait plaisir. Et mon nom à moi est Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter nos émissions, podcasts et tout le tralala. Allez sur Facebook et nous chercher dans la barre de recherche Puissance Maximale. Allez aimer notre page et propager la bonne nouvelle geek en partageant la page avec vos amis. Et comme à chaque semaine, je vous souhaite une excellente semaine de jeu. All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings and Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb. When I'm not out with my girlfriend, it's D&D. Whoa, whoa, whoa, whoa.